Chapitre 12. Les champs et les haies autour d'Hawthorpe sont recouverts de givre. Des arbres pendent de longs et minces stalactites qui leur donnent l'aspect d'immenses lustres de cristal de roche. Les fenêtres éclairées des maisons et des chaumières égayent et réchauffent l'esprit du voyageur. La vieille église se profile sur le ciel étoilé. Un point particulièrement lumineux attire et fixe le regard. C'est l'auberge des Trois Pains de Sucre, bâtiment de construction massive qui se dresse fièrement à la jonction des deux routes. L'hôtelier, homme avisé, prévoyant, ne se borne pas à donner à boire et à manger. Il tire parti de tout, et dans un riche enclos contigu à sa maison, il élève des dindons, qui à Noël se vendent au poids de l'or. Son jardin, garni d'une vraie macédoine de légumes, est entouré d'espaliers qui produisent, dit-on, les plus beaux fruits du comté. Les rideaux d'Andrinople, soigneusement tirés, empêchent qu'on aperçoive des fenêtres les plates-bandes toutes blanches de neige. Un bon feu clair qui flambe dans l'âtre reflète des lueurs rouges sur les boiseries, sur les chaises, sur la table cirée et brillante comme la surface d'un miroir. De longues chandelles brûlent dans de grands chandeliers de cuivre. Le gaz, à vrai dire, n'était pas encore établi à Hawthorpe à cette époque, mais l'utilité que John Ring n'eût pas moins préféré le mode d'éclairage dont il avait toujours vu faire usage dans la maison que son grand-père lui avait léguée, contenant et contenu. C'était un vieux Tory convaincu, obstiné, qui certes n'avait jamais brûlé la chandelle par les deux bouts. John Ring avait en outre hérité aussi, paraît-il, des principes conservateurs de son ascendant, et si bien augmenté son avoir, par de sages économies, par d'habiles spéculations sur le bétail, qu'il comptait maintenant parmi les plus gros bonnets du pays. Sa femme était la mieux mise de Hawthorpe après Miss Courtenay. Sa fille jouait du piano et faisait de la tapisserie tout comme les plus grandes dames du comté. L'auberge des Trois Pains de Sucre tenait lieu de club aux gens les plus recommandables du pays, à 10 kilomètres à la ronde. Ce jour-là, nous y trouvons réunis le docteur de l'endroit, M. Jebb, un jeune avocat de Highley, M. Upham, qui avait une maisonnette à Hawthorpe, puis le majordome de Morton Blake, William Wade, son garde-chasse et son régisseur. 8 jours s'étaient écoulés depuis le jugement de Humphrey Vargas, mais cette affaire n'en continuait pas moins à étayer toutes les conversations. Ce soir-là, une divergence d'opinion entre les habitués des Trois Pains de Sucre donnait plus d'intérêt encore à leur entretien. Il existait une porte de communication entre la salle réservée aux clients de la maison et l'arrière-boutique où se tenait M. Ring. Il se plaisait à prendre part à leurs discussions. Sa femme, assise au coin du feu, aimait à entendre causer son seigneur et maître avec les notables du pays, tandis qu'il tirait l'aiguille comme en bon temps, où la machine à coudre n'était pas encore inventée. La conversation était des plus animées. Quoique Morton Blake vint rarement aux Trois Pains de Sucre, nous ne l'y trouvons pas moins ce jour-là, franchissant le seuil de l'arrière-boutique de John Ring. « Puis-je m'asseoir un instant près de votre feu ?» demanda-t-il à l'hôtelier, en lui faisant signe de loin de pousser la porte de la salle voisine. « Vous êtes toujours le bienvenu chez moi, hein, Monsieur Blake. Ah, votre père s'est assis souvent, bien souvent dans ce même fauteuil, pendant que son cheval mangeait son picotin. Personne, je vous assure, n'était moins fier que Sir Walter. Il y avait honneur et profit à causer avec un homme si bon et si bienveillant. Je me félicite que vous ayez connu et si bien apprécié mon père. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre faire son éloge. On en saurait parler autrement, je le garantis. C'est vrai, il n'a jamais eu un ennemi, malgré les insinuations de cet homme, poursuit Morton en fronçant le sourcil. Ah, c'est de l'avocat du prisonnier que vous voulez parler. Comment pouvez-vous attacher la moindre importance à ces 20 discours? Il faut bien qu'ils fassent des insinuations, des sous-entendus quelconques. Ils sont payés pour cela. Je tiens à ce que personne ne se doute que je suis ici, Ring. Très bien, je fermerai cette porte et vous serez libre de rester jusqu'à l'heure de mettre les verrous. Ne pourriez-vous l'entrebâiller légèrement? Car il m'importe de connaître l'opinion publique au sujet de ce malheureux procès, et personne ne saurait s'expliquer librement en ma présence. Wade m'a dit qu'on ne parlait pas d'autre chose, mais je ne puis m'en rapporter à ce qu'il me raconte à ce sujet. « Rien n'est plus facile, » répondit Ring, « car on en cause en ce moment même, et vous entendrez tout sans être vu. »« Coupable !» s'écria l'avocat, lorsque chacun eut de nouveau rempli son verre et bourré sa pipe, à l'exception toutefois du jeune orateur qui, lui, se permettait le cigare. « Oui, coupable, » reprit-il, en regardant le majordome d'un air de défi. « Un homme s'est-il jamais mis la corde au cou par plaisir ? Allons, c'est un argument qui ne tient pas. » « N'avez-vous donc jamais entendu parler de suicide ? » riposta vivement le docteur. « C'est une cause de décès cependant assez fréquente de nos jours. On ne peut ouvrir un journal sans en trouver deux ou trois exemples. Pour moi, j'ai la conviction intime que Vargas s'est livré à la justice dans un moment de folie. Ce n'est ni la première ni la dernière fois que semblable fait s'est produit et se produira. Mais aussi vrai que j'existe, aussi vrai que je fume cette pipe, ce n'est pas Humphrey Vargas qui a assassiné Walter Blake. » Morton, assis près de la porte entrouverte, écoutait, pâle d'émotion, les sourcils contractés, l'oreille tendue. « Pourquoi émettre une affirmation pareille si vous n'avez des preuves à l'appui ?» demanda l'un des clients de M. Ring. « Le récit de Humphrey Vargas démontre bien sa non-culpabilité. Si j'avais été chargé de sa défense, poursuivit le docteur Jebb, je me serais appesanti sur ce point beaucoup plus que ne l'a fait son avocat. S'il vous avait eu pour défenseur, il eût certes été acquitté. » répondit d'un air railleur M. Appam, le jeune avocat de Hylaire. Ensuite, poursuivit M. Jebb, sans s'inquiéter de l'interrupteur, l'avocat du prisonnier a eu le tort immense de laisser passer inaperçu un fait qui, à l'époque du meurtre, était connu de la police et qui est d'une extrême importance. L'assassin de Walter Blake était à cheval. Comment le savez-vous? Quel indice? Par l'empreinte de fer à cheval sur la route et sur le monticule près duquel M. Blake a été assassiné. Il l'avait gelé pendant la nuit. Le lendemain matin, je me transportais sur le lieu du crime. Le cheval de M. Blake était rentré à Tingle Manor en passant à travers bois. Il ne pouvait exister aucun doute à ce sujet, car on avait retrouvé une partie de son bridon sur les basses branches des arbres, et de plus, un jeune garçon, passant à 6h30 sur la commune de Tingle, avait vu le cheval brouter au bord du fossé, à l'endroit même où le crime avait été commis. On distinguait parfaitement sur le sol la trace de fer à cheval, indiquant qu'un cavalier devait suivre M. Blake. Il était évident que tous deux s'étaient arrêtés en chemin. Seulement, rien ne prouvait que ce cavalier eût continué sa route. Mais sur un tertre à quelques mètres du crime, on trouvait des preuves que l'individu qui suivait M. Blake avait passé de la route dans une prairie en franchissant une haie verte et touffue, puisque le cheval, en sautant ce dernier obstacle, avait saccagé les mûriers. Dans les champs, nous perdîmes sa piste et nous ne pûmes nous rendre compte de la direction que le cavalier avait dû prendre. Thomas Pardy, constable à cette époque, ne faisait aucun doute qu'il eût un cavalier compromis dans l'assassinat de M. Blake. Mais sa mémoire, affaiblie par l'âge, ne saurait permettre de faire appel à ses souvenirs. Le récit de M. Jebb intéressa fort l'assistance. La veille, il avait déjà fait quelques insinuations assez graves, mais les détails précis qu'il venait de donner impressionnèrent vivement les esprits. « Comment ne vous êtes-vous pas porté témoin ?» demanda Upham au docteur Jebb. « Du moment que le prisonnier avait un avocat, » repartit Jebb en levant les épaules, « je devais croire qu'il produirait tous les faits à la décharge de son client. » « Il me semble que vous ne devriez pas hésiter un moment à faire cette déclaration, même tardive. J'avais songé un instant à écrire au Times, mais j'ai abandonné ce projet. » Et j'ai signé une supplique adressée au secrétaire général. Il est donc plus que probable que le pauvre diable ne sera pas pendu. Morton tressaillit en entendant ces dernières paroles. Est-il vrai qu'il y ait eu une supplique? Demanda un fermier, M. Gomeral, qui jusque-là était resté silencieux. Oui, je vous citerai, si vous voulez, les noms de gros bonnets qui l'ont signé, ceux de Lord Blatchmardean, de Sir Everard Courtenay, de Sir Nathaniel Reatherdon. Il s'en suivra sûrement une commutation de la peine capitale en celle des travaux à perpétuité, car personne ne peut mettre en doute que le condamné ait volé la montre et l'or de la victime. Monsieur Tomplin, je présume, n'eût pas tenu grand compte des empreintes de pied de cheval auxquelles vous attachez, vous, une si grande importance, dit l'avocat d'un ton railleur au docteur. Un jour où 30 ou 40 cavaliers sont en chasse, un saut de haie de plus ou de moins n'est pas une affaire. Mais la chasse n'est pas allée de ce côté. Soit. Toutefois, quelques chasseurs peuvent avoir coupé au plus court. Vous ignorez donc que la chasse était distante de plus de 3 kilomètres du lieu du crime. Le saut par lui-même n'est rien, mais ce qui est étrange, c'est la présence de 2 cavaliers en cet endroit et que l'un d'eux est pris à travers champs. où est la preuve que les deux cavaliers fussent ensemble? Qui dit que les empreintes remontassent au même jour? Le fait d'un cavalier passant à travers champs après la chasse suffit à expliquer l'incident de la haie, auquel vous paraissez attacher tant d'importance. C'est l'effet d'un simple hasard. J'ai eu beau questionner tous les habitants de ces parages, je n'ai trouvé personne ayant fait ce jour-là ce saut périlleux. Jack Upham fit peu de cas des paroles de Jeb. L'avocat et le médecin étaient perpétuellement en contradiction. Chacun, ayant une très haute opinion de soi-même, ne cherchait qu'à rabattre le caquet de son interlocuteur. Tous deux étaient membres du comité paroissial d'Hawthorpe, comité qui ne se croyait pas moins d'importance que le conseil des huit à Florence. Et c'est sur cet unique fait que vous concluez à l'innocence de Vargas. Je n'ai pas dit cela. Mais alors quelles sont encore vos autres preuves à l'appui? Je ne suis pas disposé à vous en raconter davantage ce soir. Puis ce n'est pas mon affaire de défendre Vargas. S'il lui plaît de se passer la corde au cou, que m'importe après tout? En voilà assez sur le compte de Vargas, s'écria Gomerol, qui craignait que la discussion ne s'envenimât. Il n'est déjà pas si intéressant. Puis, rompant les chiens, il demanda à un brûle-pourpoint Howard, le régisseur de Morton Blake, si les couvées de faisans avaient bien réussi cette année. « Elles ont été fort belles, » répondit-il. « Même ce Blake n'en ayant nul souci, c'est du bien perdu. Ah, ce n'est pas comme fait son père, un disciple passionné de Saint-Hubert. Lui, il chasse en amateur et n'invite jamais personne à le suivre. Ah, il n'en était pas ainsi du temps de Walter Blake. Mais que voulez-vous, autre temps, autre mœurs ?» Oui, malheureusement, pour ceux qui vivent à notre époque. Je ne sais pas à quoi cela tient, mais tout le monde se plaint. Les récoltes sont mauvaises, le bétail est cher, la campagne est sillonnée de chemins de fer. Or, la locomotive effraie non seulement nos chevaux, mais elle met le gibier en fuite. En fait d'amélioration, je n'en connais aucune qui ne soit contestable, pas même celle des armes à feu nouveau système. Allons, allons, messieurs. N'oublions pas qu'il n'y a si bonne compagnie qui ne se quitte, s'écria Jeb en rebourrant sa pipe. Êtes-vous prêt, Jock? Alors nous pourrions cheminer de compagnie. Ce fut le signal du départ. Chacun se leva et quitta pour ce soir-là l'auberge des Trois Pains de Sucre. Upham partit seul. Ward prit le chemin de Tangley Manor. Gomerol et le docteur suivirent la grande route. Eh bien, j'espère que vous les aurez entendus, dit vivement l'aubergiste à Morton Blake lorsque ses clients se furent dispersés. « Effectivement, je n'ai rien perdu de l'entretien, » répondit-il d'un ton grave. « Ah, oh, il ne faut pas attacher une trop grande importance aux propos qu'on débite ici, monsieur Blake. »« Ça ne laisse pas que de me préoccuper très vivement, » répliqua Morton. « Il n'y a pourtant pas de quoi. » riposta John Ring. « Jeb n'est qu'un dévideur de paroles, et je vous garantis que tout ce qu'il dit n'est pas mot d'évangile. D'ailleurs, qu'avait-il à faire de suivre le constable le lendemain du crime? Ce n'était pas son affaire. Ah, si chacun faisait son métier, les vaches en seraient mieux gardées. Ce n'est pas moi qui me laisserai jamais influencer par les longs discours de Jeb, et je soutiendrai Mordicus envers et contre tous que l'homme qui s'est livré comme étant le meurtrier est bien réellement le coupable. Morton n'eut garde de discuter la chose. Il prit son chapeau, remercia l'aubergiste, lui souhaita le bonsoir et partit.